Paragraphe 2. L'abstraction. 1. Un abîme de hasard est un abîme d'ignorance. La perspective est sombre. Il n'importe si elle est vraie. À tout le moins, cette théorie de la science est celle de la science anglaise. Rarement, je vous l'accorde, un penseur a mieux résumé par sa doctrine la pratique de son pays. Rarement un homme a mieux représenté par ses négations et ses découvertes les limites et la portée de sa race. Les procédés dont celui-ci compose la science sont ceux où vous excellez par-dessus tous les autres, et les procédés qu'il exclut de la science sont ceux qui vous manquent plus qu'à personne. Il a décrit l'esprit anglais en croyant décrire l'esprit humain. C'est là sa gloire, mais c'est aussi là sa faiblesse. Il y a dans votre idée de la connaissance une lacune qui, incessamment ajoutée à elle-même, finit par creuser ce gouffre de hasard du fond duquel, selon lui, les choses naissent, et ce gouffre d'ignorance au bord duquel, selon lui, notre science doit s'arrêter. Et voyez ce qui en advient. En retranchant de la science la connaissance des premières causes, c'est-à-dire des choses divines, vous réduisez l'homme à devenir sceptique, positif, utilitaire, s'il a de l'esprit sec ou bien mystique, exalté, méthodiste, s'il a l'imagination vive. Dans ce grand vide inconnu que vous placez au-delà de notre petit monde, les gens à tête chaude ou à conscience triste peuvent loger tous leurs rêves, et les hommes à jugement froid, désespérant d'y rien atteindre, n'ont plus qu'à se rabattre dans la recherche des recettes pratiques qui peuvent améliorer notre condition. Il me semble que le plus souvent, ces deux dispositions se rencontrent dans une tête anglaise. L'esprit religieux et l'esprit positif y vivent côte à côte et séparés. Cela fait un mélange bizarre, et j'avoue que j'aime mieux la manière dont les Allemands ont concilié la science et la foi. Mais leur philosophie n'est qu'une poésie mal écrite. Peut-être, mais ce qu'ils appellent raison ou intuition des principes n'est que la puissance de bâtir des hypothèses. Peut-être. Les systèmes qu'ils ont arrangés n'ont pas tenu devant l'expérience. Je vous abandonne leur œuvre. Mais leur absolu, leur sujet, leur objet et le reste ne sont que de grands mots. Je vous abandonne leur style. Alors que gardez-vous? Leur idée de la cause. Vous croyez, comme eux, qu'on découvre les causes par une révélation de la raison? Point du tout. Vous croyez, comme nous, qu'on découvre les causes par la simple expérience? Pas davantage. Vous pensez qu'il y a une faculté, autre que l'expérience et la raison propre, à découvrir les causes? Oui. Vous croyez qu'il y a une opération moyenne, située entre l'illumination et l'observation, capable d'atteindre des principes, comme on l'assure de la première, capable d'atteindre des vérités, comme on l'éprouve pour la seconde? Oui. Laquelle? L'abstraction. Reprenons votre idée primitive. Je tâcherai de dire en quoi je la trouve incomplète, et en quoi il me semble que vous mutilez l'esprit humain. Seulement, il faudra que vous m'accordiez de l'espace. Ce sera tout un plaidoyer.